Coucou à tous, vous êtes les bienvenus sur le Radio Guimauzou 107FM. Nous sommes le jeudi 11 juin, il est 13h, presque 13h, pas tout à fait encore. Et vous venez d'entendre un beat de style Woodsy. Voilà, c'est Lia et je suis vraiment ravie de vous retrouver sur les ondes aujourd'hui. Oui, je n'étais pas revenue depuis ce fameux direct de 4h que l'on avait fait ensemble durant le confinement. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ceux qui ont suivi et participé. Voilà, c'est dit, un petit clin d'œil à Vivien d'ailleurs qui avait suivi ces directs et qui était un petit peu le protagoniste de cette émission d'aujourd'hui. Alors c'est reparti pour un direct, hein, mais cette fois-ci je suis accompagnée comme mon bon vieux temps et je suis même très bien accompagnée. Avec moi Manon Grandemange. Manon, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, et vous ? Eh ben ça va, tu me tutoies. Hein. Oui. J'essaye de la familiariser, mais elle a du mal. Mais tu vas y arriver, Manon, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Alors, tu es Miss International Grand Est 2020, entre autres, car même si c'est sûrement un privilège pour toi d'avoir obtenu ce titre, tu ne l'es pas seulement. Il y a aussi une personne derrière cette écharpe. Et c'est ce que l'on va découvrir ensemble avec nos auditeurs tout au long de cette émission. Alors, je te remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à toi. Bah oui, merci d'avoir accepté cette invitation, c'est quand même bien sympathique. Et je te le dis tout de suite, auditeur, tu peux nous appeler au 03 29 62 40 40 si tu souhaites poser une question, tu seras le bienvenu. Et pour cela, eh bien, tu n'auras qu'à attendre le moment où je balance un son pour décrocher ton téléphone, car c'est moi qui te répondrai. Si tu m'appelles entre-temps, ça va être un petit peu compliqué. Alors on va mettre tout de suite les choses dans le contexte. Miss International est le troisième plus important concours au monde après Miss Univers et Miss World. Il s'agit de cette fois-ci de la 60e édition cette année, hein, qui se déroulera au Japon, à Tokyo plus précisément. Ah oui, quand même. Hein, oui. J'en avais jamais entendu parler avant, mais t'as bien fait de venir parce que du coup, voilà, c'est intéressant de le savoir. Moi, je ne savais pas du tout. Alors Manon, tu nous viens tout droit de Rue-sur-Moselle. C'est ça. C'est là-bas que tu as grandi. Tout à fait. J'ai passé la plupart de ma scolarité au collège Jean-Montémont à Rue-sur-Moselle. Ensuite, j'ai fait un lycée professionnel à Gérardmer en cuisine et j'ai poursuivi par un BTS, toujours dans le même lycée, Jean-Baptiste Siméon Chardin. Super. Alors, comment se passe ton enfance ? Quel est ton parcours de vie ? Alors, tout d'abord, pendant le collège, comme tu as pu en entendre parler, il y a eu cette histoire de harcèlement scolaire. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Hein. Oui, oui. Alors, à partir de quand ça a commencé, cette histoire de harcèlement ? Début du collège. Voilà. Oui, oui. Et du coup, comment ça s'est passé pour toi ? J'imagine que ça a dû être quand même très compliqué. En plus, au collège, c'est pas un moment facile. On est en pleine construction, surtout pour une jeune fille. Les enfants, entre eux, sont très... ils sont méchants entre eux. Donc, ils se rendent pas forcément compte du mal qu'ils font aux autres, tant qu'ils l'ont pas vécu. Ouais. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup affectée et aujourd'hui j'en ressors beaucoup plus forte. C'est ce qu'il faut retenir. Comment ça s'est réglé cette histoire ? Avec le temps, tout simplement. Le fait d'avoir changé d'établissement, d'être rentrée au lycée, d'avoir grandi, je pense que ça joue, même si ça s'est juste un peu tassé en fait avec le temps. D'accord. Donc c'était plus concernant ton physique, concernant... Oui, concernant le physique, j'avais pas un physique très avantageux et forcément... Ça se voit pas. C'est gentil. J'étais très mince, très grande et puis au niveau du visage, j'étais pas... Comment dire ? C'était pas... Ah bon ? Tu te trouvais pas jolie ? Oui, je me trouvais pas jolie. Bon, en même temps, ça aide pas si on t'attaque sur ton c'est physique ça. Pour se construire, pour l'estime de soi, c'est quand même compliqué. J'avais d'ailleurs les oreilles décollées. Ouais. Et je me suis fait opérer quand je suis rentrée au lycée, alors que la plupart des gens ne voyaient pas, la plupart de mes amis ne savaient même pas que j'avais les oreilles décollées. D'accord, mais t'as fait une focalisation du c'est coup. C'est ça, ouais. C'est les gens, quand ils critiquent, forcément ça nous crée des complexes. Oui. Et il faut savoir quand même que, voilà, pour ceux qui nous écoutent, peut-être des enfants qui nous écouteront, on a toujours quelque chose à dire sur l'autre. Hein, soit il est trop gros, soit il est trop maigre, soit il est trop blanc, soit il est trop machin. Il y a toujours quelque chose à dire, malheureusement. Ça fait du mal, mais je sais pas, l'enfant se construit en cassant l'autre, peut-être. C'est malheureux. C'est ça. Du coup, comment ça s'est passé, ta scolarité ? Est-ce qu'après, ça a été mieux ? Tu as pu t'épanouir ? Super, le lycée, c'était vraiment les meilleures années, avec des belles rencontres. J'ai rien à redire là-dessus. C'était vraiment les plus belles années que j'ai pu avoir. Ok. Est-ce que tu as revu depuis ces fameuses personnes ? Non. À part depuis mon passage dans le journal de Vosges Matin, une personne est revenue vers moi en me disant, en s'excusant tout simplement, si elle avait pu avoir des propos, des propos pas malvenus, voilà, envers moi. Ouais, bah c'est quand même bien de s'excuser. On invite tous ceux qui font du mal à certaines personnes à un moment donné de faire un peu leur mea culpa, parce que même si les années passent, bah ça fait quand même du bien de l'entendre, hein, que c'était juste des propos méchants d'enfants et voilà, que c'était pas parce que nous on avait un problème. C'est ça. Alors Manon, tu as plusieurs passions dans la vie. La guitare, la cuisine. Oui. Hein, Joris aussi, ton chien. Oui. Mais également la mode. Est-ce que cette participation à ce concours te donne de nouvelles envies, de nouveaux projets ? Forcément, oui. Mais oui et non. Dans le sens où j'ai toujours fait ce dont j'avais envie. Donc la mode, les shooting photos, j'ai commencé assez tôt. Et du coup, ça va. C'est dans la continuité du concours. C'est ce que je voulais faire et c'est ce que je fais. Et c'est ça qu'il faut retenir aussi. Ouais. Est-ce que tu as fait des photos du coup avant ce concours ? Oui. Est-ce que ça t'a aidé à te rapprocher, à t'accepter, à accepter ton image ? Alors énormément. Et d'ailleurs, c'est un peu le contraste, c'est que les gens, la plupart du temps, me disent « Ah, bah, tu fais des photos parce que tu es belle, parce que tu te trouves belle », alors que pas du tout. C'est pour se sentir belle. Que j'ai fait des photos, c'est pour les shootings, c'est pour apprendre à aimer l'image qu'on a de soi, oui. Tout ça. Et tu as rencontré donc du coup de bonnes personnes pour faire des photos toi. Est-ce que c'est des photographes amateurs, professionnels ? Alors amateurs et professionnels. Bon, il faut savoir que professionnel ne veut pas dire qu'on fait des super belles photos et amateur ne veut pas dire qu'on fait des photos de mauvaise qualité. Tout à fait. C'est un statut vraiment à part avec des démarches à faire juridiquement. Oui, peut-être. Peut-être. Donc du coup, ça t'a aidé à t'aimer à nouveau, à te rencontrer. Et on encourage toutes les femmes qui en ont besoin, parce qu'il existe des photographes spécialisés justement dans ces photos pour ceux qui ont du mal avec leur image. Et ça, c'est cool. Mm. Tu continues du coup les photos là oui, en ce moment ? Oui. Avec entre guillemets Vivien ? Avec Vivien, d'ailleurs, que je remercie énormément. Que l'on salue. Et que je salue. Eh oui. C'est sur un coup de tête en janvier dernier que tu t'es inscrite auprès du comité de Miss International afin de participer au casting régional du concours. On en parle tout de suite après le titre Skate de Taiko, artiste et producteur musicien de San Francisco, qui est également connu sous le nom, je vais y arriver, de ISO 50 pour ses photographies et ses travaux de design. Un petit clin d'œil pour toi, Manon. Skate de Taiko, gros coup de cœur, suivi de Evil A de Franz Ferdinand. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. off the ground. I'm not gonna let you down. Yeah, we could skate all day and all night long. Oh, we're flying now. I'm not gonna let you down. Oh, baby, breathe now. Roll down the window. No conversation. Voilà pour mes gros coups de cœur musicaux qui, j'espère, eh bien, vous auront plu également. Alors, Manon, c'est le moment où tu nous racontes le déclic que tu as eu au moment de ton inscription auprès du comité de Miss International et tout ce qui s'est passé depuis. Pourquoi tu as décidé de t'inscrire ? Alors, j'étais déjà dans l'optique de m'inscrire à un concours de Miss. Oui. Et c'est vrai que... Je sais pas, j'ai eu vraiment un déclic ce jour-là et je me suis dit c'est aujourd'hui ou c'est jamais. Et c'était aujourd'hui. Ah bah oui, comment ça s'est passé? Alors tu t'es inscrit, comment ça se passe cette inscription? Tout simplement un formulaire à remplir et après on est recontacté par l'organisateur qui nous parle du concours généralement. Et puis après, bon, moi je me suis inscrite assez tôt avant que le concours n'ouvre. D'accord. Et du coup j'ai dû attendre un peu. Et puis après on a eu un casting qui s'est passé à Metz, oui. Donc le 23 février il me semble. Et puis après, avec la crise sanitaire, c'était un peu compliqué pour recevoir l'écharpe oui. Et tout ce qui va avec. Donc tu l'as reçu par la poste, on l'écharpe, c'est ça ? On l'a reçu par la poste, c'est ça. D'accord. Et du coup, alors, comment ça se passe ce moment à Metz ? Un casting simple avec un défilé devant le jury. On devait parler, se présenter. Voilà. Ok, donc tu te présentes, tu dis qui tu es, d'où tu viens. Est-ce que tu parles un petit peu de ton parcours scolaire, de tes affinités, de je sais pas. Oui, bon, on se présente généralement, donc oui. Après, on était, il y avait une vingtaine de candidates à peu près. De tout le Grand Est. C'est ça. Ok, combien? Une vingtaine. Du coup, tu te dis, ça doit quand même faire plaisir de se faire élire. C'est ça. Oui, tout à fait. Après, on est une par département, donc moi, je suis des Vosges, oui. Plus précisément. Donc, tu as été choisie pour représenter les Vosges tout de suite, suite à ton inscription. Oui. Il n'y a pas, à ce moment-là, de premier casting, entre guillemets, quoi. Ça se fait sur Internet, tu rencontres personne avant cette finale du Grand Est. Non, c'est ça. Ok. Alors, c'est quand même un milieu un petit peu spécial. Est-ce que les affinités artistiques de ta maman t'ont aidé dans ce milieu? Il faut quand même le dire. Je précise quand même que la maman de Manon est le sosie de Mylène Farmer. J'ai appris ça tout à l'heure. On salue ta maman et je serais ravie qu'elle vienne nous faire un coucou. Moi, j'ai très envie de voir le sosie de Mylène Farmer. Il n'y a aucun souci. Donc oui, forcément, parce que ma mère travaille dans le milieu artistique. Elle m'a beaucoup poussée d'ailleurs à faire ce casting. Elle est vraiment derrière moi parce que c'est quelque chose qu'elle aurait également aimé faire étant plus jeune. Oui. Sauf que bon, c'était à l'époque, c'était un peu mal vu de se lancer là-dedans. Ah bon ? C'était pas un vrai métier selon ses parents. D'accord. Est-ce que c'est pas difficile pour toi de cumuler du coup ton milieu professionnel parce que tu travaillais avant cette crise justement dont tu parlais ? Alors la crise finalement, elle tombe bien parce que j'ai le temps de faire toutes les démarches possibles pour pouvoir finaliser le concours, le temps de faire des achats, s'occuper des robes pour le concours. Donc ça tombe plutôt bien malgré du coup la situation. Oui. Et d'ailleurs, j'ai la chance d'avoir un employeur qui est vraiment derrière moi et qui me soutient beaucoup. Oh, c'est chouette. Que je salue d'ailleurs. C'est chouette. On parle de soutien. Est-ce que tout ton entourage t'a soutenu ? Est-ce qu'il y en a certains qui ont eu certaines réticences peut-être ? Dans la globalité, oui, mon entourage me soutient, ça va, c'est assez calme. C'est important, j'imagine, quand même, d'avoir quelqu'un derrière toi pour te dire que ce que tu fais, c'est bien et qu'il faut que tu en profites. Oui. Surtout, comme je disais, bon, ma maman est beaucoup derrière moi. Après, du côté de mon père, ils sont un peu réticents, mais on n'en parle pas énormément. D'accord. Ça reste un peu tabou. C'est ça. Moi, je l'invite à écouter le podcast de cette émission qui sera présente sur notre page Facebook pour comprendre pourquoi tu t'es lancée dans ce concours objectif Miss International France qui aura lieu donc normalement à Roubaix. Oui. C'est ça. Alors, c'est décalé, tu me disais ? Normalement, c'est le 12 juillet, mais il se peut que ce soit décalé un peu plus tard en raison de la situation. Ok. Si tu deviens Miss International France, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Alors ensuite, si je deviens Miss International France, je partirai à Tokyo pendant 3 semaines pour représenter la France à l'international. C'est génial. En plus, il me semble que tu aimes voyager. J'adore ça. Et du coup, Tokyo, est-ce que tu y as déjà été ? Non, jamais. Donc ce sera l'occasion. Tout à fait. Moi, j'ai confiance en toi. Petite pression quand même, la seule Miss française à avoir gagné ce titre international, c'est Sophie Perrin. C'est ça. Miss internationale 1976. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça fait quand même un petit bout de temps. Est-ce que tu te sens prête là ? Oui. Ah oui, j'ai un mental d'acier. Est-ce qu'il y a des choses à préparer du coup pour cette finale déjà nationale ? Alors oui, tout à fait. On a des défis à réaliser. Donc comme par exemple le choix des robes. Donc ouais. on devra défiler dans 3 tenues différentes. D'accord. Donc une robe cocktail, une robe de soirée et une robe régionale que j'ai déjà trouvée. Alors dis-nous en plus sur ces robes. Donc fais-nous rêver, nous petites filles qui t'entendons. Pour la petite anecdote, quand je suis rentrée au lycée, on a eu un bal de promo. Ouais. Et à ce bal de promo, j'ai décidé d'aller voir une couturière pour lui emprunter une robe, tout simplement. Et c'est cette couturière-là qui va me reprêter des robes pour justement le concours. Super. Est-ce que tu as déjà fait ton choix ? Oui, tout à fait. Pour le costume régional, j'ai décidé de prendre une robe peintes dessus les cascades de tendons. C'est génial, ça. J'ai vu ça, je me suis dit, ouais, quelle bonne idée. Mais qui réalise, parce que ça va être une œuvre du coup, oui, cette robe. C'est Christine Couture. D'accord. Qui est localisée à Saulxures-sur-Moselotte. Et comment elle va faire pour réaliser cette cascade de tendons ? Alors, elle l'avait déjà préparée, la robe, elle l'a déjà depuis un petit moment. Et puis, je l'avais déjà vue, je l'avais déjà portée, et c'est vrai que ça a été un vrai coup de cœur. On peut voir ça, hein, tu nous enverras les photos. Pas de problème. Est-ce que, c'est peut-être un petit peu intimiste comme question, mais est-ce que, une fois que tu es sur scène avec tes robes, tu as vraiment l'impression d'être toi ou de jouer un rôle, entre guillemets ? J'ai plus l'impression d'être moi et d'oublier tout ce qui m'entoure. Vraiment faire abstraction de tous les problèmes de la vie courante, être vraiment dans une bulle et se dire on y va à fond. Mmh. Donc il y a le choix des robes pour cette finale nationale. Tu parlais de défis, est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce que, je ne sais pas, il y a une présentation ? Il faudra répondre à des questions ? Alors forcément, il faut préparer des discours avec ce qu'on peut dire devant le jury. On a aussi le contact avec la presse, où il faut avoir au moins un article dans le journal, et voilà. Faire de la promo, quoi. La promo. On doit trouver aussi des mécènes pour l'émission qui peuvent nous sponsoriser. D'accord. C'est compliqué, ça ? Alors, vu la situation, oui, c'est très compliqué, ouais. Mais j'ai réussi à trouver deux mécènes, donc dont Vivien. D'accord. Ah bah dis donc, sacré Vivien. Et OnFit, qui se trouve à Remiremont. Mais que l'on salue, on connaît bien aussi. Du coup, c'est un petit peu de la com, quoi, que tu fais en même temps. C'est ça. Du c'est coup, ça. Si t'as envie de te lancer dans cette branche, tu peux. Pourquoi pas ? C'est plutôt sympa. Nous, on a un petit peu, enfin moi en tout cas, j'ai un petit peu l'image quand on parle de concours de Miss, un peu ce style de Miss France, tu sais, où elles disent, voilà, si je suis élue, je m'investirai dans cette cause. Est-ce que là, c'est un petit peu le cas ? Est-ce que tu dois parler de quelque chose qui te tient à cœur, d'une association locale, j'en sais rien ? Alors on peut, parce qu'il y a des candidates qui le font, mais c'est pas obligatoire. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des critères pour s'inscrire à Miss International ? Alors, non. En soi, non. Mais on participe à trois concours en même temps, lors de la finale nationale. Oui. D'accord, c'est original. Donc, la grande gagnante partira à Tokyo et les dauphines partiront soit aux Philippines, soit en Pologne pour Miss Supranationale et Miss Asia-Pacifique. Ah oui, quand même. C'est pas mal. Donc l'objectif, c'est d'être dans les trois premières. Tout à fait. Est-ce que toi, tu as vraiment envie de réussir ? Est-ce que voilà, le but, c'est vraiment d'obtenir ce titre ou est-ce que la participation en elle-même te comblera déjà ? Alors, c'est sûr que ce serait bien de gagner. Oui, c'est comme, sûr. Mais c'est vrai que la participation sera déjà une grande fierté, démarche, une grande fierté. Oui. Tu prévoiras d'en faire d'autres après des concours ? Je ne sais pas. C'est entre parenthèses pour l'instant. Oui, ok. Alors Manon, c'est le moment de se glisser sous la couronne, de faire tomber l'écharpe. C'est le moment où l'on se pose dans la bulle de confidence. Mais avant ça, eh bien, on va se détendre un petit peu. Hein. On va détendre l'atmosphère avec Where de l'artiste Plume, suivi de Dog Song de Kidness. Je rappelle à nos auditeurs que s'ils veulent te poser des questions, eh bien, ils sont les bienvenus au 03 29 62 40 40, pardon, si je donne pas tout le numéro de téléphone, ça risque d'être compliqué. Et puis Vivien, fais-nous un coucou si tu nous écoutes, on sera ravis de t'entendre. Voilà, je te fais quand même un gros coucou parce que c'est grâce à toi que Manon est dans nos studios aujourd'hui. Voilà, je vous laisse à votre téléphone et on se lance dans nos sons. À tout de suite. a secret and I told it to you. Would you tell your brother? If I had a secret and I told it to you, would you tell your sister? And if I had a secret and I told it to you, would you tell your mother? Had a secret and you told it to me, I would tell no other. No. Doug Song pour Kidness, voilà pour cet artiste que j'avais envie de vous faire partager aujourd'hui. On fait un petit bisou à Fred qui nous écoute. Voilà, il me semble que tu es passé chez lui il n'y a pas longtemps. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as l'habitude maintenant d'être médiatisé? Plus ou moins, on ne s'y habitue pas rapidement, mais ça va. Ça doit faire drôle quand même quand voilà, tu reçois voilà, des médias, des journalistes. Qui viennent faire un article sur toi, parce qu'il y en a eu quand même quelques-uns, des articles. Oui. Hein ? Ça doit faire drôle. ça fait drôle sur de se voir surtout sur les réseaux, voir les gens partager, ça fait chaud au cœur. Oui, c'est sûr, et voilà, ça remonte l'estime et voilà, ça aide à aller de l'avant. Alors c'est enfin le moment des vraies confidences. Manon, est-ce que tu es prête ? Oui. Voilà, je t'ai préparé une petite liste de questions pour que l'on puisse connaître la véritable Manon. N'aie pas peur. Voilà ma première question. Manon, qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin ? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin ? Boire une tasse de café. Très bonne réponse. Si tu pouvais être quelqu'un d'autre le temps d'une journée, qui serais-tu ? Hélène Darroze. Hélène Darroze ? Oui. Qui est-ce ? C'est une grande cuisinière française. D'ailleurs, on peut la voir sur Top Chef assez régulièrement. C'est vrai que c'était ton métier à la base ? Oui, oui, oui. Ça te manque un petit peu ? Énormément. Est-ce que tu popotes chez toi quand même ? Oui, oui, oui, oui. Alors, ça il va. Faut. Quel est ton péché mignon ? Mon péché mignon ? Le café ? Non, après, en dessert, c'est plus le tiramisu. D'accord. Si tes amis écrivaient ta biographie, quel en serait le titre ? C'est une bonne question, je sais pas. Je sais pas du tout. Réfléchis, t'as le temps. Je suis quelqu'un de simple, peut-être. Ok, quelqu'un de simple, ça fait un bon titre de livre, je trouve. Et naturel, surtout. C'est vrai, tu es très naturel. C'est les meilleurs, c'est les plus belles beautés, moi, je trouve, les beautés naturelles. Non, mais c'est vrai, parce que quand on se lève le matin, au moins, on se retrouve, on c'est sait ça. Qui est dans la classe. On se reconnaît. Alors, dis-moi qui ils sont et je te dirai qui tu es. Quel objet se trouve sur ta table de nuit ? J'ai pas de table de nuit. Honnêtement, mon téléphone. Ok. Comment te vois-tu dans 10 ans ? Épanouie, mais bon, je le suis déjà. Bonne question également. Je sais pas, dans 10 ans. Je sais pas, professionnellement, personnellement Toujours dans la restauration, j'espère, en tant que réceptionniste. Toujours au collet. Tu les aimes bien. Ah, je les adore. On les embrasse. Quelle est la chanson que tu adores, mais dont tu as vraiment honte ? Alors, il n'y a pas de chanson que j'adore dont j'ai vraiment honte, parce que, alors, ça va paraître bizarre, mais je suis quelqu'un qui écoute déjà pas de la musique de tous les jours. Ouais. J'écoute du métal. C'est pas vrai ? Si. Ça ferait une super entrée sur scène, ça, oui. Avec un gros métal, tu sais, la petite Miss dans sa petite robe. Avec la guitare électrique. Tout à fait. C'est génial. C'est génial. Okay. Mais oui, non, il n'y a pas de chanson dont j'ai vraiment honte. On a tous des casseroles, mais... Si tu étais un bonbon, lequel serais-tu ? Si j'étais un bonbon, les Dragibus. Pourquoi ? C'est les meilleurs. Si tu pouvais remonter dans le temps jusqu'à un événement historique, lequel choisirais-tu ? Je sais pas. La préhistoire Non, même pas. Moi, j'aime bien le temps... Peut-être si les années 80. Ah ouais ? Ouais. Ça me donne un petit coup, là, parce que non. Moi, je suis née dans les années 80. 70, 80, oui. On sent tout de suite beaucoup plus vieux. C'est vrai que quand on voit maintenant tout ce qui est moderne, bah, j'aurais bien aimé, oui, voir... vivre déjà sans téléphone, sans ordinateur, ouais, les années 60, 70. Ouais, parce qu'il faut savoir que dans les années 80, on n'avait pas tout ça, hein, pour ceux qui nous écoutent. Enfin, moi, j'ai eu un ordinateur très tard, vers 18 ans, et un téléphone portable aussi. Et aujourd'hui, on est presque avec. C'est ça. Donc, c'est plutôt une bonne réponse. Et enfin, c'est encore pas ma dernière question. Si tu pouvais avoir un seul super pouvoir, lequel choisirais-tu ? La téléportation. Génial. Bah oui, comme ça, hop, au boulot et au concours de Miss. C'est ça. Du coup, j'imagine que tu voyagerais. Ouais. Ah oui. Et tu as déjà beaucoup voyagé ? Alors, oui et non. Je ne sais pas ce qu'on appelle beaucoup voyager. Après, j'ai fait la Grèce, j'ai fait l'Espagne, j'ai fait l'Angleterre, j'ai fait la Crète, Rhodes. Oui. Et puis, je crois que c'est tout. Et c'est où ? Enfin, quel endroit tu as préféré ? Alors, tous. Honnêtement, tous. Si c'était à refaire, je les referais tous. C'est génial, il faut aller plus loin encore peut-être. Après, la Crète surtout, et puis l'Espagne. Mais la Crète, oui, c'est quelque chose qui m'avait énormément plu. On avait fait une petite balade en bateau sur l'eau qui était turquoise. On voyait les crabes au fond de l'eau. Wow. C'était magnifique. Peut-être que c'est ça que tu feras dans 10 ans, le tour du monde. Peut-être. J'espère. Et pourquoi pas en cuisinant, tu sais, avec un petit food truck. Oui, ou même pour pouvoir s'enrichir au niveau culturel. Oui. Je trouve ça magnifique, moi, oui, de pouvoir voir d'autres civilisations, comment ils sont, comment ils agissent, ça change. Ok. Je vois qu'il y a quelqu'un qui nous appelle. Alors, si c'est pour une question à Manon et pour participer à cette émission, je t'invite à rappeler dans quelques instants pour le temps que je lance un son et pour pouvoir prendre ton appel. Car en même temps, là, je suis un petit peu standardiste en même temps qu'animatrice. Ça va être compliqué. Ma dernière question, si tu animais une émission, parce qu'on projette de te recruter, si tu animais une émission, quel en serait le sujet ? La musique. Ouais. Métal. Ouais, c'est vachement bien ça. Ou la mode. On n'en a pas d'émission sur la mode, alors pourquoi pas. Mais surtout la musique, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, la musique. Vraiment. Alors, tu joues de la guitare ? Oui. T'as appris toute seule ou avec un... Plus ou moins toute seule, j'ai eu des cours, mais ça n'a pas duré longtemps. Et puis après, j'ai arrêté la guitare et puis j'ai repris. En fait, c'était vraiment en dents de scie. Oui. J'ai arrêté la guitare et puis après, j'ai repris. Après, j'ai arrêté à cause de mes études parce que j'avais plus le temps. Et puis, j'ai repris. Et puis là, pareil, pendant le confinement, j'ai repris la guitare. Est-ce que tu chantes en même temps ? Plus ou moins. Peut-être qu'on te verra sur la pochette d'un album un jour. J'arrive pas à chanter et faire de la guitare en même temps. Et puis en même temps, quand on joue de la guitare métal, du métal à la guitare, je suis pas sûre de pouvoir faire la voix. Mais il y a un groupe de métal comme ça avec une chanteuse, je crois, lyrique, une rousse. Du métal celtique. Peut-être. Je sais pas. Mais du coup, je pense que c'est possible. Peut-être. Bon, après... Il faut avoir quand même beaucoup d'énergie et de dissociation au niveau du cerveau pour pouvoir faire tout en même temps. C'est ça. C'est tout en même temps. Alors je te remercie beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions pour en savoir un petit peu plus sur toi. Notre émission, elle est sur la voie de la fin là, mais voilà, je vous invite à rappeler si vous voulez poser une question à Manon, c'est le bon moment. On va écouter un son, histoire de se donner la pêche, c'est Dollar d'Eclectic Guest. Pourquoi tu ris ? Non. Ça fait rire ce titre de chanson ? Non, même pas, c'est moi. D'accord, c'est bien. Je suis bizarre des fois. C'est bien, on est bien des gens bizarres, nous reste comme ça. On écoute ce titre de l'art et on se retrouve juste après. I'm better than you. I'm like, ooh, I'll get better from across the road. least they won't feel you. Looking all around me, but I can't relate. Every day I'm trying to find a new escape. Everybody's a model. You watch too much, you feel hollow. Nothing in my pocket, but I'm still okay. All I really know is how I feel today. Oh, I got a dollar in my pocket. See you, I don't really wanna rock it. Tryna have some fun with the fashion. All I really got is it's a nice song. Oh, I got a dollar in my pocket. So turn the music up and get it poppin'. Tryna have some fun before I die some. So all I really got is it's a money. Oh, oh la la. I got a feeling for the first time in my life. Oh, it's a celebration. But I would die before I ever felt alright. Oh, I got a dollar in my pocket. I see you and I really wanna rock it. I'm trying to have some fun with the slideshow. Cause all I really got is it's a night song. Oh, I got a dollar in my pocket. So turn the music up and get it popping. I'm trying to have some fun before I die so. So all I really got is it's a night. Et voilà pour ce titre Dollar que j'espère vous avez apprécié. En tout cas, moi, je l'adore. Alors, Manon, on va se lancer un petit peu dans ce sujet de la finale parce qu'on l'a abordé très brièvement tout à l'heure. Tu m'as dit en off que du coup, durant cette finale, tu restais 3 jours là-bas, c'est ça ? C'est ça. Ok, qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là ? Alors, on va visiter la ville de Roubaix. On va se préparer pour le concours, les défilés. On va avoir une chorégraphie à apprendre. Ah oui ? Et puis voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. En 3 jours, c'est assez court, donc il va falloir vraiment se mettre dedans, parce que sinon... Du coup, ça se passe comment pour toi ? Tu poses des jours de congé, là, durant... Je vais devoir, oui. Oui, tout à fait. Et on verra bien quand est-ce que ça va se passer, surtout... Parce qu'on ne sait pas si ce sera au mois de juillet ou août, septembre. Ça dépendra de cette période délicate. Et du coup, ça doit être super parce que tu fais de nouvelles rencontres. Là-bas, sur place, tu rencontres des filles. Oui. On est, il me semble, une 50aine de candidates. Ah oui. Et puis, qui viennent de la France entière. Hein, donc, c'est l'occasion de faire de bonnes rencontres et puis d'échanger avec ces filles-là. Oui. Mais qui vote alors pour... Alors, on a la moitié des votes par rapport aux défis dont j'ai parlé tout à l'heure à réaliser et la moitié des votes du jury, tout simplement. Ok. Et qui est composé de ? On ne sait pas encore. D'accord. On le saura sur place le jour venu. Est-ce qu'il y a des personnalités ? C'est-à-dire ? Je ne sais pas. Est-ce que dans ce jury, il y a des gens qu'on connaît ? Alors, moi, honnêtement, je ne sais pas du tout qui sera le jury. Oui. Après, ils ont parlé de faire venir une ancienne Miss internationale. Donc, peut-être on verra Sophie bien. Sophie Perrin. Non, on a essayé de la recontacter, d'ailleurs, via les réseaux. Oui. Sans nouvelles, on a essayé de contacter Geneviève de Fontenay, parce que c'est elle qui s'occupait de ça. Et on n'a eu aucune nouvelle. Impossible de la trouver. Elle est introuvable. Bon. C'est ça. Et durant les autres années, il y avait des gens connus qui faisaient partie du jury ou c'est peut-être que ça reste dans cette sphère un petit peu... Pas que je me souvienne, non. D'accord, ok. Si on parle encore de la finale, on peut venir te suivre sur place si on a envie de se soutenir avec des pancartes et oui. Tout. Oui, pas de souci. Il y a une billetterie en ligne, donc pour l'instant, il me semble qu'elle est encore pas vue la situation. On ne sait encore pas quel jour se passera la finale, mais une billetterie sera disponible normalement sur le site de Miss International France. Ok, donc du coup, ça se passe à Roubaix. C'est une grosse salle là-bas ? Oui, c'est une belle salle. J'ai pas eu l'occasion de la voir, mais on l'a vu en vidéo et c'est une belle salle avec un podium. Ok. Est-ce que si on peut pas se rendre sur place, on peut quand même te suivre ? Je sais pas, est-ce qu'il y a un relais ? Il me semble pas. C'est possible qu'il y ait des lives sur les réseaux de la part du comité, mais il ne me semble pas sinon. Ok, d'accord. Donc on peut aller te voir directement, c'est peut-être ça. Que ce sera mieux. Tu peux amener des gens de ta famille avec toi ? Oui. Ma maman va sûrement venir me soutenir. Oui. Mylène Farmer en plein milieu, ça va être génial. Elle va faire son show. Elle va prendre la place de tout le monde. C'est et ça. Ça va être trop bien. Si l'on veut te suivre, si on veut suivre ton parcours, on peut te retrouver sur les réseaux ? Oui, sur Instagram, Manon GRDMG, ou sur Facebook, Manon Grandemange. Voilà. Ok, super. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à ceux qui nous écoutent peut-être ? Alors oui, par rapport déjà au harcèlement, c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Je pense qu'il y a certains parents qui se disent que ce sont que une situation entre enfants, que ça n'a aucun intérêt et finalement ça peut être bien plus grave que ça. Donc il faut vraiment suivre ces enfants là-dedans, que ce soit de la part des parents des entre guillemets harceleurs que des parents des enfants harcelés. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Mmh. Et puis, pour les jeunes filles qui veulent vivre leurs rêves, qu'elles n'abandonnent pas, qu'elles baissent jamais les bras. Oui, c'est un très beau message. Je fais un petit parallèle. Est-ce que tu connais Cosmos ? Oui. J'ai échangé avec lui sur les réseaux d'ailleurs, pas longtemps. Qui propose des slams pour lutter contre le harcèlement scolaire, avec qui on fait des émissions d'ailleurs pour cette journée internationale de la lutte contre le harcèlement. J'espère que tu seras là l'année prochaine, c'est en novembre, année même d'ailleurs. Est-ce que peut-être un jour vous préparerez un projet tous les deux ? C'est possible, à voir. Pourquoi pas ? Tu ne fermes aucune porte. C'est ça. Qu'est-ce que je peux te souhaiter avant de conclure cette émission ? C'est toi qui vois. Beaucoup de questions hein, aujourd'hui. Eh ben, je te souhaite le meilleur. Je te souhaite d'arriver là exactement où tu as envie d'aller. Et puis, que ce soit concluant ou non, cette finale, en tout cas, je suis sûre que tu as vécu déjà une très, très belle expérience. Mmh. Et j'espère que tu continueras la photo, car tu es très photogénique. Merci. Hein, parce que c'est bien d'être belle au naturel, en vrai, mais il y en a qui ne sont pas photogéniques. Et je pense que ça compte quand même. Moi, je le dis parce que je ne suis pas photogénique. Si. Non, mais sans filtre et le matin au réveil, c'est pas comme toi, je t'assure. Du coup, voilà, je te souhaite de vivre tes rêves et puis de profiter de la vie avec ceux qui t'aiment. Et on embrasse tous ceux qui te soutiennent d'ailleurs. On embrasse, là où on te connaît et là où on ne te connaît pas. On invite les gens d'ailleurs à te suivre s'ils ne t'ont pas encore rencontré. Merci auditeurs d'avoir suivi cette émission. Vous me retrouverez à 16h aujourd'hui avec Gilou, car c'est le grand retour des années bonheur. Je vous embrasse bien fort. Merci beaucoup Manon d'être venue participer. Merci à toi. Merci Vivien, merci tout le monde qui nous écoute. On se retrouve très très bientôt, j'espère, pour une nouvelle émission. Je vous laisse avec Hocus Pocus sur Radio Guémouzou 107 FM. À très bientôt.